Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et si vous avez écouté la première demi-heure de l'émission, vous avez entendu qu'au commencement de la programmation informatique, il y avait Ada Lovelace au 19e siècle. Mais ces premières programmations auxquelles elle a pensé ne sont pas arrivées par génération spontanée. Il y a à l'origine les travaux du mathématicien Charles Babbage. Et lui-même s'est peut-être inspiré d'autres mathématiciens avant lui. Ainsi va d'ailleurs la science. Et peut-être qu'on pourrait dire ainsi va aussi la vie. Alors, peut-on parler de l'origine de la vie ou même de l'origine de l'homme dans ces conditions-là? Ben, on va en parler avec Cyril Barrette, qui est professeur émérite au département de biologie à l'Université Laval. Bonjour Cyril. Bonsoir Valérie. Alors peut-être, on veut parler du terme origine, la première chose auquel on pense quand on parle d'origine, dans un sens religieux, dans un sens chrétien du terme, on pense à la création. Ouais, voilà, on va voir après que ça va peut-être aller plus loin, mais commençons donc par cette idée d'origine au sens création. Ouais, c'est comme si notre cerveau n'était pas conçu pour concevoir l'origine telle qu'elle est. On pense en termes de création. C'est un peu comme le temps. On dit le temps est une conception. On sait très bien ce qu'est le temps jusqu'à ce qu'on nous demande ce que c'est. Quand on essaie de le définir, ça nous échappe. On ne sait pas quand ça commence. qu'est-ce que le temps? Si on n'en parle pas, ça va, mais aussitôt qu'on essaie d'en parler, c'est un peu la même chose avec l'origine. Alors, dans le domaine de la religion, de toutes les cultures, de toute façon, il y a toujours un mythe d'origine. Et ce mythe-là est beaucoup plus un mythe de création, c'est-à-dire une apparition instantanée et une apparition qui est l'effet d'un agent extérieur à l'objet en question ou à la vie ou à l'homme ou à peu importe. Donc, c'est comme si cette façon de voir les choses, la façon de le voir en termes de création instantanée par un agent extérieur, c'est comme si ça nous était naturel, on trouve ça normal. Alors que quand on parle en termes d'origine, là, ça nous échappe un peu. Et je donne une citation du pape François, justement, assez récemment, qui disait essentiellement qu'il ne voyait pas de contradiction entre l'évolution et la création. Puis il les voyait même comme complémentaires. Et son argument est le suivant, c'est de dire, j'ai pas de problème avec l'évolution des espèces, mais pour qu'une espèce évolue, il faut qu'elle ait d'abord été créée. Ah oui. Donc, il n'a pas de problème avec l'évolution, la transformation d'une espèce. Une fois qu'elle est créée. Mais une fois qu'elle est créée, il a un gros problème avec l'origine elle-même. Il solutionne le problème en invoquant un créateur qui remplace la notion d'origine. Donc, il n'y a vraiment pas... Dans cette conception-là, on n'a vraiment pas saisi du tout ce qu'est l'origine. Mais est-ce qu'on peut... Parce que là, c'est effectivement la vision qu'on a dans la religion chrétienne et peut-être dans d'autres religions, mais je pense aux religions en Asie, à l'hindouisme ou au bouddhisme, où c'est plus cyclique. Est-ce qu'on a encore ce problème d'origine avec ces religions-là? On a encore le problème d'origine, parce qu'on entrevoit un cercle, une renaissance constante, la mort et la renaissance, et un cercle qui se déplace. Mais n'importe quel enfant de 5 ans va tout de suite poser la question, mais comment ça a commencé? Quelle est vraiment l'origine? Il doit y avoir un début. Le premier cercle, il est arrivé comment? Notre cerveau cherche toujours un début, une façon que ça a commencé. Et c'est un peu la même chose si on pense, pour fin de comparaison avec la notion dans la biologie évolutionniste, l'origine dans la conception de notre logique, disons, du sens commun du quotidien est assez simple. Si on prend comme exemple l'origine d'une personne, si je prends mon origine personnelle, au début c'est très simple. Je viens de mes parents, qui viennent de mes grands-parents, qui viennent de mes arrière-grands-parents. Cette méthode-là, tout à fait implacable et irréprochable, permet d'avancer pas à pas de génération en génération et s'approcher de l'origine, mais elle ne permet pas d'atteindre l'origine. Éventuellement, cette approche frappe un mur parce qu'elle soulève une question à laquelle elle n'est pas capable de répondre, mais encore une fois que n'importe quel enfant de 5 ans va poser, mais d'où vient le premier? Alors, dans notre mythologie judéo-chrétienne, on a inventé une singularité qu'on appelle Adam et Ève, donc les premiers humains qui seraient les parents de tous les autres humains qui ont suivi. Donc, ce sont des parents sans parents, donc des parents, donc des parents, des orphelins et des orphelins sans nombril, donc pas sans trace d'une histoire précédente puisqu'ils sont les premiers. Donc, ça, c'est la façon dans notre conception religieuse de concevoir l'origine. On imagine un événement d'un autre ordre, une singularité, comme on dirait dans d'autres domaines, pour expliquer comment ça a commencé. Ouais, cette singularité, c'est souvent repris aussi à propos de l'origine de l'univers, avec le Big Bang. Ouais, c'est Est-ce pour qu'il ça... y a un parallèle à faire? Oui, ben, c'est pour ça que j'utilise le mot singularité dans le cas d'Adam et Ève, parce qu'il y a un parallèle à faire. Parce que dans le cas du Big Bang, on observe la position des galaxies aujourd'hui, on constate qu'elles s'éloignent. On dit, il y a 1 milliard d'années, elles étaient plus proches. 2 milliards, elles étaient encore plus proches. Ben, on remonte dans le temps. On remonte dans le temps, mais les cosmologistes nous disent, de cette façon, comme avec Adam et comme avec mon origine personnelle, on peut remonter de milliards d'années en milliards d'années pour s'approcher de l'instant zéro. Mais les cosmologistes nous disent qu'on ne peut pas arriver, on ne peut pas atteindre l'instant zéro. C'est comme si, à partir du moment où, comme le pape François, à partir du moment où la vie existe, on comprend l'évolution de la vie, l'évolution d'une espèce. Mais comment ça a commencé? Quel est le tout début? Alors, on invente une singularité dans le cas d'Adam, dans le cas de l'origine d'une personne, on dit c'est Adam et Ève. Dans le cas de l'origine de l'univers, on dit c'est le Big Bang, l'instant zéro. Et je vois un parallèle, ce serait à discuter avec des astrophysiciens. Oui. Je conçois que le Big Bang, c'est une théorie scientifique qui fait des prédictions qu'on est capable de tester. Donc, il y a une solidité scientifique là. Mais c'est comme si on avait le même problème. Mais là. C'est peut-être par manque de connaissances scientifiques à ces moments primordiaux de l'univers qu'on fait appel à ce Big Bang. Manque de connaissances ou peut-être aussi la faiblesse de notre conception de l'origine elle-même. Ah oui. D'accord. Et donc, dans ces conditions-là, est-ce que la biologie évolutionniste... D'abord, quand on parle de biologie évolutionniste, on parle de la biologie soutenue par les théories darwiniennes. Oui, c'est ça. La biologie moderne, avec toutes ces théories qui sont encore soutenues par les pensées de Darwin. Donc, dans ce cadre de pensée de la biologie évolutionniste, est-ce qu'on peut arriver à penser autrement la notion d'origine? Oui. On y arrive en essayant de décrire la complexité de cette notion-là d'origine. Et dans le contexte de la biologie évolutionniste ou darwinienne, l'origine, que ce soit l'origine de la vie, l'origine d'une espèce, l'origine des mammifères, l'origine des vertébrés, peu importe, a toujours les mêmes 4 caractéristiques. Puis on pourrait dire la même chose de l'origine de quoi que ce soit qui est produit par un processus évolutif comme une nation ou l'origine du baseball ou du hockey ou peu importe. Donc, l'origine a toujours les 4 caractéristiques suivantes. D'abord, c'est une longue durée. L'origine n'est pas une apparition instantanée. Alors, on pense, par exemple, que l'origine de la vie, le passage de la matière non vivante à la matière vivante, a pris peut-être quelque chose comme 200 millions d'années, donc c'est une longue période. L'origine des mammifères est assez bien documentée maintenant. On sait que ça s'est déroulé sur une période d'à peu près 20 millions d'années. Donc, c'est-à-dire l'origine des mammifères, c'est-à-dire que ces mammifères viennent des... Ils viennent d'un groupe qu'on appelle les reptiles mammaliens ou les synapsides, qui dans certaines formes, acquéraient ou développaient un caractère qu'on considère typique des mammifères, puis un autre groupe, un autre caractère. Puis éventuellement, on arrive après 20 millions d'années à des animaux qui correspondent à notre définition des mammifères. Donc, c'est que cette transition-là, pour passer de cette branche de reptiles aux mammifères tels qu'on les connaît, a pris 20 millions d'années. Donc, et ça, c'est ce qu'on peut appeler l'origine des mammifères. Okay. Ou l'origine de l'homme, l'origine de notre espèce, sur une période de 2 millions d'années. C'est toute l'histoire du genre Homo. C'est long. 2 millions d'années pour nous faire. 2 millions d'années, c'est long. 1 million d'années, c'est 1000 fois 1000 ans. Donc, 2 millions d'années, c'est très, très long. Ouais. Donc, la première caractéristique, l'origine, a une longue durée. Alors, une image que j'utilise, c'est si l'histoire de l'humanité était raconté par un livre de 1000 pages, l'origine de l'humain ne serait pas le premier mot, ce serait tout le premier chapitre, donc une certaine durée. Donc ça rompt avec notre idée que c'est quelque chose de ponctuel. C'est ça. Ouais. Notre cerveau cherche, puis a l'impression que tout ce qui existe, c'est une apparition instantanée qui vient de nulle part ou qui est l'objet d'un agent extérieur à la vie. Alors, d'abord, il faut se débarrasser de cet aspect-là. L'origine a toujours une longue durée. Deuxièmement, c'est toujours une transition imperceptible. Puis même les gens qui étudient l'origine de certaines ou l'émergence de certaines espèces présentement, comme les pinsons des Galapagos ou les mouches drosophiles d'Hawaï ou des poissons des lacs africains qui sont très bien étudiés, on ne voit jamais de rupture dans l'origine. C'est toujours un passage imperceptible, un peu comme la pousse des cheveux ou la dérive des continents. C'est imperceptible. Ah, oui. Il n'y a pas de rupture. Ouais, c'est une continuité dans le processus. Il y a une continuité absolue dans l'origine elle-même. Mais ça veut dire que cette continuité, elle doit rendre difficile la définition, la détermination de la longueur, de la période de temps que ça prend. Oui, voilà. Alors, on est obligé de le faire avec une certaine imprécision parce qu'il y a une période floue. Là. L'origine est comme une période floue où l'objet en question, que ce soit une société ou une nation ou une espèce, était en train de se mettre en place. Mm. Le troisième élément important, c'est que l'origine, et ça, c'est un mot qu'on a déjà utilisé dans d'autres chroniques et auquel je tiens beaucoup, l'origine est toujours contingente. C'est-à-dire que l'origine n'est jamais prévue, n'est jamais prévisible, n'est jamais attendue. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de programme. C'est toujours... et la contingence, c'est ce mélange de hasard et d'histoire. Donc, l'origine n'est jamais écrite d'avance. Mm-hmm. Donc, si on reprend, par exemple, l'exemple de la branche de reptiles, là, je ne sais plus comment ils s'appellent, qui ont donné les mammifères. Donc, ça prend l'histoire de cette branche de reptiles avec certains hasards qui faisaient apparaître des caractéristiques... Un mélange de hasard et d'histoire. Toujours un mélange de hasard et d'histoire. Du hasard qui intervient sans raison particulière et qui fait changer la trajectoire historique. Ouais. Donc, un mélange d'histoire et de hasard. Autrement dit, si on pense en termes d'origine des espèces, tant qu'une espèce n'est pas formée, tant qu'elle n'a pas émergé, elle avait beaucoup plus de chances de jamais émerger que d'émerger. C'est ça, la contingence. Mm-hmm. C'est une contingence près, un détail aléatoire près. L'exemple que je préfère, peut-être, c'est la conception d'une personne. Si je pense à ma propre conception, mais ma conception n'est pas du hasard pur, comme si c'était un tirage à la loterie. C'est un mélange de hasard et d'histoire. Si on pense juste en termes de l'histoire récente, mais c'est l'histoire des deux lignées familiales qui ont donné naissance au petit garçon qui va devenir mon père, puis à la petite fille qui va devenir ma mère. Mm-hmm. Ensuite, c'est l'histoire de ces deux personnes dans leur vie qui éventuellement se rencontrent et se marient. Puis là, le jour de ma conception, il y a un hasard absolument fabuleux qui fait que j'existe. C'est le fait que ce spermatozoïde en particulier a pénétré cet ovule en particulier. Il aurait suffi que ce soit un autre spermatozoïde. Et hop, c'est échangé. J'aurais pas Cyril en face de moi. J'aurais raté la seule chance que j'avais dans toute l'histoire de l'humanité, puis même dans toute l'histoire de l'univers, d'exister. Donc, c'est pas un hasard pur. C'est un hasard, un événement aléatoire qui est très important, qui intervient dans une lignée historique compliquée qui remonte à longtemps. Donc, l'origine est toujours contingente de cette façon-là. Mm-hmm. Et enfin, l'origine, c'est aussi la mise en place dans une même unité, alors dans une même espèce, par exemple, ou dans une même nation, la mise en place des éléments qui constituent la définition de ce dont on parle. Donc, si on veut parler de l'origine de l'humain, il faut d'abord faire la liste des caractéristiques qui nous distinguent des autres grands singes. Et une fois qu'on a cette liste et qu'on s'est entendu sur cette liste, qui n'est peut-être pas évident, mais une fois qu'on a cette liste, l'origine de l'humain, c'est la mise en place dans une même espèce des éléments qui constituent la définition. Mm-hmm. Donc, l'origine et la définition, c'est indissociable. Ah, ouais, donc là, l'origine va dépendre de la définition qu'on donne l'origine de ce qu'on cherche. Absolument, absolument. Si on veut parler de l'origine des mammifères, par exemple, un des caractères clés des mammifères qu'on observe dans les fossiles, c'est le fait que la mâchoire inférieure est faite d'un seul os. Mm-hmm. Donc, alors, la mâchoire faite d'un seul os, ça prend des poils, ça prend des mamelles, ça prend un utérus, etc. Mm. Donc, tous ces éléments-là se sont mis en place instantanément dans une même espèce. Ça a pris un certain temps, donc une longue période contingente qui aurait pu ne pas arriver, mais qui est arrivée puisqu'on est là. Ouais. Et donc, c'est la mise en place de tous ces caractères-là qui a pris les 20 millions d'années pour arriver éventuellement à quelque chose qu'on définit comme étant un mammifère. Ouais. Et donc ça, Cyril, est-ce que ça a des conséquences sur notre façon de voir en général l'origine? Ouais, c'est là que ça devient intéressant. C'est que cette notion d'origine, une fois qu'on l'a acceptée, on peut en discuter longuement, mais je pense qu'on va arriver à conclure que l'origine, c'est comme ça que ça se passe dans le domaine de la vie, en tout cas. Mm-hmm. Il découle trois conséquences qui sont un peu bizarres, mais qui sont indéniables. La première, c'est que c'est toujours une origine sans premier. Et ça, on a de la difficulté. Le langage nous joue des tours parce qu'on parle toujours du premier mammifère, de la première cellule. Mais dans l'histoire de la vie, il n'y a pas eu de premier organisme vivant. Il n'y a pas eu de première cellule. Il n'y a pas eu de premier mammifère. Il n'y a pas eu de premier humain. La notion de premier, ça appartient à la notion de création. Du début comme une création et non pas la notion d'origine. Dans l'origine, il n'y a pas de premier. Et je conçois que c'est difficile d'imaginer parce qu'encore une fois, notre cerveau recherche un premier. Mais le meilleur exemple qui me vient pour essayer de mieux y réfléchir, c'est l'origine de quelque chose comme la langue française. La langue française, on va s'entendre là-dessus facilement, n'a pas commencé par une première phrase prononcée en français, ni par un premier locuteur qui parlait français. Encore une fois, la langue française, c'est une transformation sur une longue période, imperceptible, continue, contingente, ça aurait pu ne pas arriver, et c'est la mise en place dans une même population humaine des éléments qui constituent la définition de la langue française par rapport au latin ancien, par exemple. Donc, il n'y a pas de premier locuteur de la langue française. Oui, puis on ne peut pas dire non plus il n'y a pas de premier mot français. Il n'y a pas de premier mot français. De même manière qu'on ne peut pas dire il n'y a pas de premier homme. Il n'y a pas de premier homme. Il y avait un ensemble d'êtres humains avec différentes caractéristiques. Qui étaient en train de se transformer, puis qui éventuellement auraient pu donner rien du tout, puis ont donné l'origine de l'homme. Et cette façon-là de voir l'origine sans premier, ça nous rappelle une énigme très répandue qui est sans solution. C'est l'énigme de l'œuf et de la poule. La poule qui vient de l'œuf, l'œuf qui vient de la poule. Puis là, n'importe quel enfant de 5 ans, encore une fois, va dire « Mais qui est le premier? » Mais cette énigme est insoluble parce qu'elle nous demande de trouver un premier qui n'existe pas. C'est pas l'œuf qui était en premier, puis c'est pas la poule qui était en premier. Mais remarquez qu'on pourrait, dans une autre chronique, donner une réponse zoologique à cette énigme-là, qui nous montrerait que l'œuf est apparu avant la poule. Intéressant. Une question de définition, là, mais on pourrait en reparler. Et donc ça, c'est la première conséquence qui est un peu troublante, d'essayer de penser une origine sans premier. Mais encore une fois, si on revient à l'origine de la langue française, je pense que ça nous aide. Il y a de même qu'il n'y a pas de premier mot français, il n'y a pas de premier humain. Il n'y a pas de premier humain. Il n'y a pas un premier couple. Il n'y a pas un premier couple humain non plus. Mais évidemment, il y a des mots qui existent aujourd'hui qui ont été développés puis qui ont eu une origine dans le passé. Mais ce mot-là, quand ce mot-là est arrivé, il n'est pas arrivé. C'était pas l'arrivée de la langue française. C'était un mot qui appartient à la langue française. Comme la mâchoire faite d'un seul os appartient à toutes les caractéristiques des mammifères. Et la deuxième conséquence, qui est un peu troublante aussi, c'est que l'origine est une sorte de génération spontanée. Oui. Et là, ça semble compliqué parce qu'il me semble que Pasteur nous a dit le contraire. Oui, Pasteur a bien démontré qu'il n'y a pas de génération spontanée, même pour les bactéries. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la loi biogénétique. C'est-à-dire que la vie vient toujours de la vie. Ça prend de la vie pour faire de la vie. Ça, c'est vrai dans tous les cas, sauf lors de l'origine. Donc, la vie vient toujours de la vie, les bactéries viennent des bactéries, les castors viennent toujours de d'autres castors, toujours, sauf au moment de l'origine. Puis je ne devrais pas dire le moment de l'origine, parce que c'est plutôt la période de l'origine. Ouais. Pendant cette période d'origine, c'est là que l'objet en question était en train de se constituer. Donc, c'est une génération spontanée dans le sens littéral de spontané, c'est-à-dire sans intervention extérieure. Ah, c'est ça. Parce que ce n'est pas spontané dans le sens en court laps de temps. Oui, c'est ça. Trop souvent, on prend le mot spontané qui voudrait dire instantanément. Ah, voilà. Alors que ça veut dire sans influence extérieure. Ça se fait tout seul. Okay. Ça se fait tout seul et ça se fait sans raison parce que c'est contingent. Okay. Et ça, on n'aime pas ce genre d'expression-là, de dire que, par exemple, notre origine à nous s'est faite toute seule puis sans raison. Il y a eu des causes, mais il n'y a pas de raison particulière. Donc, voilà. Ouais, le fait que ce soit une génération spontanée, c'est ce qui explique que la vie a pu émerger de matière non vivante, que les mammifères ont pu émerger d'animaux qui n'étaient pas des mammifères, puis que l'humain a pu émerger de singes qui n'étaient pas des humains. Et sans coup de baguette magique. Là, ça s'est fait sur une longue période, d'une façon insensible, contingente, et en construisant la définition. Effectivement. Et la troisième conséquence qui découle directement de la contingence, c'est que l'avenir n'est jamais écrit. L'avenir est toujours incertain. L'avenir n'est pas prévisible. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de programme qui nous permette de prévoir l'avenir. Et ça, c'est très embêtant. L'avenir en biologie? De quoi que ce soit. De quoi que ce soit. De quoi que ce soit. L'avenir d'une nation, l'avenir d'un parti politique. Oui, mais vous faites plusieurs fois ce parallèle avec la nation. Là, on parle en biologie de l'origine dans un contexte de biologie, d'espèces humaines et autres. Puis, vous avez évoqué plusieurs fois cette idée de nation. Il est où le parallèle? Bien, c'est que la nation, c'est un peu le pendant d'une espèce. C'est comme une espèce. C'est un ensemble d'individus qui partagent des traits communs, qui partagent une culture commune, qui partagent une langue. Alors, c'est exactement comme le cas d'une espèce, les caractéristiques d'une espèce. Et de la même façon qu'une espèce connaît son origine, comme on vient de la décrire, c'est vrai pour une nation, c'est vrai pour un parti politique, c'est vrai pour un sport, c'est vrai pour n'importe quoi qui se développe dans le temps puis qui a une évolution. Si on veut parler de son origine, ça correspond aux mêmes caractéristiques que la vie ou qu'une espèce. Donc, il y a un processus continu. Il y a un processus continu sur une longue période. Puis c'est contingent. C'est jamais écrit d'avance. Ouais. Si je reviens à ma conception, qui n'est pas du hasard pur, bien, quand mes parents sont nés, c'était pas écrit d'avance que 30 ans plus tard, moi, je naîtrais. C'était parfaitement contingent. Donc, on n'en sort pas. On n'aime peut-être pas cette idée-là. La plupart des gens qui entendent ce genre de discours n'aiment pas l'idée que leur existence tient à une contingence aléatoire dérisoire, insignifiante. Mais au contraire, moi, je trouve que c'est une façon de montrer que mon existence est absolument fabuleuse, pratiquement miraculeuse. Parce que c'était ma seule chance d'exister là, au moment où ce spermatozoïde a pénétré. Miraculeux, ça fait un... J'ai mis des guillemets. Ouais, okay. Vous n'avez pas entendu des guillemets, mais je les ai mis. Ouais. Mais donc, je reviens quand même à l'origine de la vie. Donc, est-ce qu'on peut faire la même chose avec l'origine de la vie, juste en deux petites minutes, pour le passage du non-vivant au vivant? Il n'y a pas une origine, c'est un processus continu de la même manière? Exactement de la même manière. Évidemment, mais comme là, ça remonte à très loin, puis que les traces sont très difficiles à retrouver, on ne connaît pas exactement comment ça s'est passé. Mais c'est évident que la vie n'a pas commencé par un premier organisme vivant. On entend très souvent, on parle de la première cellule, mais il n'y a pas eu de première cellule. Il y a eu des objets qui ressemblaient à des cellules, comme une bulle. Qui s'assemblaient plus ou moins. Une bulle de savon, puis qui avait un intérieur, un extérieur. Et puis ensuite, on ne sait pas dans quel ordre ça s'est fait. Mais puis encore une fois, on comprend que pour parler de l'origine de la vie, il faudrait d'abord s'entendre sur une définition de la vie. Qu'est-ce qu'on considère comme la définition minimale de la vie? Une fois qu'on entendu là-dessus, ça ne sera pas facile, une fois qu'on a ça, mais l'origine de la vie, c'est la mise en place de ces éléments-là qui constituent la définition de la vie. Ouais, comme on l'a vu pour qu'est-ce qui définit le mammifère, et on cherche après dans les fossiles des traces de ces caractéristiques de mammifères. Voilà. Donc là, il faudrait faire pareil avec la définition de la vie. Autrement dit, la vie et les mammifères, puis l'humain, ça existe pour vrai, mais c'est en même temps des concepts. Ouais. C'est pas seulement des objets, c'est des concepts. Je sais pas si j'ai envie juste d'exister en tant que concept. C'est un autre concept à simuler. On pourrait fouiller ça aussi. Ben, merci beaucoup, Cyril, d'avoir revisité avec nous le concept d'origine. Je sens que ça va avoir perturbé quelques esprits. Ouais, surtout, on peut réfléchir à l'idée d'origine sans premier. Oui, hein, oui. Et aussi, même, c'est pas parce qu'il n'y a pas de premier que nous n'avons pas d'origine. Mais non, c'est sûr. Ouais. Merci beaucoup, Cyril. Et je rappelle que vous êtes professeur émérite au département de biologie et de l'Université Laval. Merci à vous.